sur la glacière. Lâche une chronique sur le son et une petite bière. Bienvenue dans les bons crus Summer Camp. Bienvenue dans les bons crus Summer Camp. Bienvenue dans les bons crus Summer Camp. Bienvenue dans les bons crus. Et bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous êtes dans les bons crus Summer Camp. Yeah. Bonsoir. Les sommeliers du rap, toujours au rendez-vous avec vous. Comment ouais. Ça va ? Julien, Simon. Ouais, quatrième épisode, on est là. Quatrième et dernier épisode. Ouais, exact. Voilà, donc tout l'été, on vous a proposé des dégustations de bières artisanales, locales, accompagnées de fines sélections de rap. Et on va continuer sur ce thème pour cette émission. Et on commence toujours par présenter la brasserie qui nous propose des bières à déguster pour l'émission. Et ce soir, c'est la brasserie Azimut de Bordeaux. Ouais, donc ils nous ont reçus, donc un grand merci à eux. C'est Anthony plus précisément qui m'a reçu, donc merci beaucoup Anthony pour ton accueil. Donc la brasserie Azimut, elle s'est installée, enfin elle a commencé en fait en 2016, donc c'est tout jeune. Et on peut faire une petite remarque d'ailleurs sur tous ces brasseurs locaux qui sont relativement jeunes. Donc c'est bien cette... Ouais, ça fait quelques années. Ça ouais, fait deux... mais c'est bien qu'il y en ait plusieurs en fait. Deux, trois. Il y a une petite effervescence un peu en fait des, ouais. Des brasseurs locaux, c'est vraiment cool. Il y a un, cool. Un mouvement clairement. Ouais, donc allez les supporter. Donc la brasserie Azimut, comme j'ai dit en 2016, donc, c'est des vrais passionnés. Hein. Ils sont tous en reconversion professionnelle et ils ont tous choisi de se lancer dans l'aventure par pure passion de la bière. Et eux, ils aiment bien mettre l'accent sur donc les bières, ce qu'ils appellent exploration. Donc ils aiment bien élaborer des nouvelles recettes, donc vraiment uniques. Donc ils m'ont raconté qu'ils faisaient des réunions où les idées fusaient. Des brainstorming de l'extrême, avec des gens assez, avec des profils assez différents, donc avec des idées différentes. Donc ça avait l'air vraiment, vraiment sympa. Et j'ai vraiment ressenti la passion pour la bière. Donc voilà. Après ça, c'est un truc qui est commun à ouais, toutes à les tous, brasseries qu'on a clairement, rencontrées. Clairement. Et donc là, ils ont en fait, ils ont 6 séries de bières. Donc la première série, c'est la série Océan, où en fait, il y a toutes les bières permanentes de Azimut. Et ils ont des autres séries en fait pour permettre d'explorer et donc de créer des nouvelles recettes. Donc il y a la série Espace, Tropique, Arctique et Antarctique et le style Montagne. Donc nous, ce soir, on va goûter une bière issue de la série Océan, donc des permanentes, et aussi une bière d'une des séries donc temporaires. De du la coup, série Montagne. On va attaquer la première bière donc de la série Océan. C'est ça. Donc santé, chin chin. Hein. Donc c'est une blanche citron basilic. Et elle est servie depuis une canette. Par rapport aux autres brasseries, c'est les seuls ouais. À nous avoir proposé les canettes. Ouais, alors ils m'ont dit que la canette, c'était vraiment important en fait déjà dans leur... pour la brasserie, parce qu'apparemment, c'est le... Enfin, ce serait vrai, on va les croire, hein, que c'est le meilleur moyen de conserver la bière, parce que quand on met la bière dans la... Dans la canette, bah, la bière ne va plus bouger du tout en fait. Il n'y a pas à y avoir une deuxième fermentation. On en avait parlé avec la brasserie Bordeaux Beer Factory, il me semble, de quel était le meilleur contenant pour accueillir la bière. Et on leur avait demandé canette ou bière bouteille. Et du coup, ils nous avaient répondu qu'il y avait les avantages et les désavantages que la bière bouteille. Enfin, je me trompe pas, non ? C'est bien. Il y avait des avantages dans les deux contenants. Oui, mais que bière bouteille, il y avait l'air passe un peu. Ouais. Ouais, la lumière qui passait et l'air un petit peu. Mais dans la canette, ça pouvait moins. C'est très bien quand tu vas la boire rapidement, mais ça peut moins se garder. C'est et ça. Eux, ils t'avaient c'est parlé. Pour la conservation. Ouais. Eux, ils t'avaient parlé de bière de cave, de bière de conservation. Donc, je suppose que cette bière Azimut se conserve moins bien que une bière dans une bouteille. Rien n'empêche. Après, là, on parle de conservation sur des années. Oui, hein. Oui. Mais rien n'empêche que, par exemple, Azimut fasse une bière qu'ils ont envie de faire exprès, une bière de conservation, et qu'ils la mettent dans une bouteille en verre. Ouais. Mais en tout cas, c'était ça les différences qu'on nous avait dit. Moi, je ne fais que répéter, hein. Mais donc, ouais. Tout le monde n'est pas d'accord. Parce que c'est pas du tout ce qu'ils t'ont dit. Bah non, ils m'ont dit justement que c'était pour la conservation. Oui, alors pour la conservation, oui, mais pour la conservation longue, on va parler comme un mûrissement des vins. Tu vois, sinon les vins, ils les mettraient en canette. Ouais. Pour le mûrissement, je pense que pour le mûrissement de la bière, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font mûrir les bières comme tu fais mûrir les vins. Certaines bières sont faites pour. Mais peut-être qu'eux, ils voulaient contrôler justement, ils voulaient pas qu'il y ait de... qu'il se passe quelque chose en fait après la mise en bouteille. Je sais pas, comme je te dis, je dis aux auditeurs, moi, Azimut, je suis pas allé, j'aurais posé la question sinon, mais en tout cas, leurs canettes sont hyper réussies, le design est vraiment, vraiment top. Hein. Et la canette, du coup, ça permet de, bah, d'avoir quelque chose tout autour de la canette, ce qui est souvent pas le cas en fait avec une bouteille. Voilà, là, tout l'espace est comblé en fait avec quelque chose. Moi, je trouve que dans cette bière, déjà, il y a une sensation de rafraîchissement. Ah ouais, c'est proche d'un soda. Ouais, c'est très proche d'un soda. C'est très léger. On sent pas du tout l'alcool. Mais il y a un fort goût. On est à 4,5. Ouais. C'est assez léger. C'est léger. Après, je disais pas ça pour le côté négatif. Hein. C'est le côté rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Immédiat, après, c'est toujours l'avantage. Enfin, c'est toujours. J'ai toujours trouvé ça ce trait de caractère chez les bières blanches, c'est que t'en bois une, t'as déjà été désaltéré quoi. Enfin, ouais. c'est... Après, celle-ci, au niveau de la couleur, je trouve, elle ressemble vraiment à, comme une tisane, j'ai envie de dire, comme une infusion, une verveine un petit peu. C'est le basilic justement. Ouais, la couleur, et c'est jaune qui tire vers le vert un petit peu. Tout dépend si tu le mets à la lumière ou si quand Jérôme a sa main devant, par exemple, là, quand il la met à la lumière, c'est bien jaune. Et quand il met sa main devant, on voit directement que ça devient un peu plus vert. Ouais. Et je pense que c'est l'infusion de basilic qui fait ça. Mais ça a une couleur, en fait, jus de citron au final. Hein. Ça a une couleur jus de citron et basilic. Hein. Ils sont dans le thème, ils sont raccord. Lime et basilic. Non, on sent bien le basilic qui rapporte un truc en plus. Les bières blanches sont... Enfin, elles tirent souvent vers un jaune très pâle. Et là, c'est vrai qu'il est un peu plus foncé. Un petit peu plus, ouais. Après, voilà. Petite amertume souvent, quand même, souvent légère. Souvent, les blanches ont des saveurs un peu florales. Ouais. Là, qui est peut-être plus remplacé du coup par le basilic. Je ne le sens pas trop. Bah là, c'est plus comme un goût, de, comme il disait, qui se rapproche de la tisane, herbes, en fait, plus que du fruit qu'on peut avoir aussi généralement sur des blanches. Après on a le côté acidulé qu'on retrouve chez les bières blanches aussi franchement c'est surprenant un peu. J'ai été surpris hein. C'est quelque chose que j'ai jamais goûté clairement là c'est unique mais par contre c'est cool. Qui suis un fan de basilic tu sens bien le basilic. Mais j'ai déjà bu des boissons à base de basilic, ça ressemble vraiment à c'est ça. Appréciable. Et c'est bien équilibré, c'est pas trop le basilic prend pas trop le dessus, ça peut être gênant. J'ai pas envie de boire du pesto quoi. J'adore le pesto. Alors, mais on va passer un peu à la musique hein. Ouais, donc l'accord bière rap. L'accord bière et rap. C'était pour Jérôme. J'étais en charge de trouver un morceau pour s'accorder avec cette bière. Alors, on me dit de la lime, du basilic. Moi, je pense tout de suite à des plats asiatiques, pas vous. Même si c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve là dans le goût, mais quand on m'a donné les ingrédients principaux, moi j'ai pensé à des plats de Thaïlande ou des choses un peu de ce style-là, côté asiatique déjà. Moi, ça me fait plus penser à l'Italie, mais en Italie, il y a des citrons et il y a du basilic. Ah, ça fait voyager. Bon, vous semble. Bon, après, chacun son interprétation. Oui, exactement. Et puis, moi, j'étais aussi un peu dans l'interprétation. Ah, oui. Moi, c'est la carpe coy. Ah oui, sur la canette, alors. Faut préciser. Sur la canette. D'accord. Ouais, on est d'accord. Il y a une très belle carpe coy verte sur la canette. Et qui est un fort symbole de la mec, culture asiatique qu'on va retrouver en Chine, mais aussi beaucoup au Japon. Excuse-moi, je suis désolé. Je n'ai pas voulu te couper, mais un mec de culture asiatique te dira qu'une carpe coy bleue, c'est interdit. Non, c'est plutôt rouge-orangé, quoi. Il y a différentes couleurs, ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt coloré. C'est plutôt coloré. Bref. Donc la carpe coy, voilà, comme je disais, un symbole qu'on retrouve dans les arts asiatiques, particulièrement en Chine, au Japon. Notamment au Japon, c'est vraiment un gros symbole qu'on va retrouver souvent sur des tatouages. Dans les bassins, des jardins publics, des parcs. Ça fait partie de ce décor, des jardins japonais, tels qu'on les imagine, un peu tout bien rangé, tout propre. Dans une eau très claire, où on peut bien distinguer les couleurs de la carpe. Et puis après, dans les objets du quotidien, dans l'artisanat, on va retrouver ça. Donc voilà. Donc japonais en apparence, seulement. Parce que c'est vrai que ça reste une bière blanche et dans les goûts, là, c'est... Ouais, on n'y est pas, en fait. On n'y est pas. Ouais, on n'est pas... Et du coup, j'ai pensé, je me suis dit, bah, je vais choisir un morceau japonais en apparence, mais qu'en est pas en fait, un morceau de rap. Et du coup, j'ai pensé à Joke, qui est devenu Ateyaba. Ateyaba. Donc, rappeur de Montpellier, qui s'est fait connaître avec ses deux premiers EP, Kyoto, Tokyo, parce qu'il est fan du Japon. Et voilà. Après, dans les morceaux, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément. Non, il fait des références, quoi. Il fait des... Il a fait des clips surtout. Ouais, des clips au Japon. Mais avant, il n'était pas du tout influencé par ça. Tu parles de ces deux EP, après, mais il avait Prêt pour l'argent avec TTC. Ouais, mais non, même ton truc, Prêt pour l'argent, là, c'était. Il était sur un Kiladex, non ou c'était Non, c'était Joke. Hein, il était... Oui, c'était quand il a été signé chez Stunts, qui est un label de TTC. Enfin, pas de TTC, du coup, de Tequilatex. Et de. Je ne sais plus qui. Enfin, bref. Et du coup, dans la pochette, là, il n'y avait rien à voir de Tokyo. Mais après, c'est vrai qu'il est cet univers. Il était sur un nuage. Après, je ne pense pas qu'il s'est inventé cet univers. Il a toujours été fan. Ah non, mais là, il l'a mis en avant. Non, mais clairement, je ne dis pas du tout qu'il se l'a inventé. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que mais quand c'est sorti, ça m'avait surpris un peu. Et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé dans la musique plus ce côté que ça. C'était juste une. Et d'ailleurs, Joke, c'est peut-être pas le premier à avoir fait ça. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de clips au Japon. Et il s'est pour moi, c'est beaucoup un des premiers. De ça. Et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rappeurs français qui ont fait des clips au Japon. À part IAM, avec l'école du micro d'argent et tout le délire des samouraïs, qui est typiquement japonais, je vois pas de rappeur qui soit allé comme ça sur le côté, on va dire, moderne du Japon, le côté avant-gardiste, le côté futuriste. Même lui, dans les fringues et tout, même dans les. Enfin, le côté néon qu'on retrouve dans ses clips, etc. On attend toujours Ultraviolet, hein, d'ailleurs. Ouais, il balance des sons sur YouTube là, en ce moment. Ouais, il balance pas que des sons en ce moment. Je hein. savais, de toute façon, je savais qu'en choisissant Joke, on allait avoir des débats. Il s'énerve un petit peu, là, dernièrement. je vous invite à aller voir son compte Twitter. Il est un peu énervé. Ce sera supprimé d'ici là. Oh oui, c'est sûr. Et donc, j'ai choisi quand même un morceau dont la mélodie rappelle, enfin, la mélodie de l'instru est basée quand même sur une mélodie qui rappelle un son traditionnel japonais ou chinois, enfin voilà. Une espèce de son qui te plonge dans un décor avec des samouraïs, des rizières. Tu t'y vois, genre, dans les vieux films, Les Sept Samouraïs, enfin voilà. T'as trop regardé Samouraï Champloo, toi. Exactement, Samouraï Champloo, ce genre de décor. T'es là, t'es sabre en main, t'es dans un kimono, enfin voilà. C'est cette mélodie, elle te transporte là-dedans. Mais il y a un petit décalage avec Joke, qui lui va avoir son rap très ego trip, ses punchlines qui parfois un peu cru, qui crée un décalage. Et donc en fait, t'as l'impression que c'est japonais, mais en fait lui, il parle très peu du Japon, il fait un petit peu référence. Mais voilà. Et ça rappelle un peu ce côté acidulé que peut avoir une bière blanche. Qui contraste avec le goût plutôt pas plat mais assez classique, facile de la bière blanche. Il y a toujours ce petit côté acidulé qui ressort ou fruité. Voilà. Et là c'est un peu le cas aussi. C'est la lime et le basilic ressortent et contrastent un peu avec ce dont on attendait d'une bière blanche. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau. Donc c'est quel morceau ? C'est le morceau Harajuku sur l'EP Tokyo, donc le deuxième EP qui était sorti après Kyoto. MTP Jokizi Tokyo. Right. Sur Paris comme Mona Lisa, Black et Honard de Vinci, tout au fond d'une Jap mais pas dans une Nissan. Serre pas la main aux insignes, à moitié satisfait comme des demi-dieux. La fumée pour changer d'air, je taffe mes nulis depuis 2002. Sur la chatte après verre, vert. On débarque, on tire, on sort les katanas. Quand on a l'opium, les femmes, on a la soie. Seconde personne du pluriel, tu parles à Wam. Je fly comme Apollo, t'es fly comme Balavoine. Plus de cristal que Walter White dans sa caravane. Kero, on a mouru chaud comme à la Havane. Négro tellement d'or, on passe pas à la douane. Arrive à Tokyo, je suis à Teyabasan. Les rageux passent le 17. Que les vieux se battent en retrait. Y'en a qu'un sur la terre. suis. Je vois mes rimes en acrylique. Y'en a qu'un sur la terre. Si tu vois sur ma mère, ça fait bang, bang. Je suis à Shibuya, je ride les meufs à Rajuku. Négro dans la stratosphère après Nouya. Sonne père, je suis dans ma soucoupe. 23 puis je suis proche de ma Rolex. D'un cerveau sous scanner, les langues de pute s'étouffent, avalent nos sexes. Je les aime pas de toute manière. Mojo de pharaon dans le détecteur. Drague la petite sœur de l'inspecteur. Tire dans le cœur, pile dans le pacemaker. Les flammes du brasier caressent tes pleurs. Avec foi sans loi comme voleur d'organes. Je saute les meufs comme Michael Jordan. Mon histoire est lancée, je suis dans tes pensées. 7 heures d'avance, toujours dans les torches. Les rageux passent le 17. Que les vieux se battent en retraite. Y'en a qu'un sur la terre. C'est le fils de ma mère. Les rageux fassent le 18. J'vois mes rimes en acrylique. Y'en a qu'un sur la terre. Si tu vois sur ma mère, ça fait bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mes négros font bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Tous mes gars font bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Mes négros font bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. À la fin, j'suis à MTP. Toi-même, tu sais, négro. Yeah, les messieurs négro. GMG, Tokyo, 2013. Bang, négro. Toujours dans les bons crus Summer Camp. Et c'est l'heure du dilemme. Je connaissais pas cette délicieuse virgule, elle est nouvelle. Mais c'est le, comment il s'appelle, Do what the fuck you wanna do. C'est le mec de Houston là. Il kiki. Non. Non. Voilà. Franchement, j'ai passé pour un inculte, mais Attendez, là j'ai un trou de mémoire. Ah, je te mets des codes. Devin the Dude. Ah, Devin the Dude. Oui, mais non. Voilà. Devin the Dude, c'est un autre. C'est doux, hein. C'est très doux. C'est doux, mais c'est une autre chose. C'est doux. Donc après un morceau qui était tout aussi doux de joke, enfin doux amer, je dirais. Ouais. Instruit et douce. Mais... On passe au dilemme. Donc, quel vous êtes dans un train, coincé dans un train. Vous ne pouvez choisir qu'un seul album pour vous accompagner du départ au terminus. Yes. Donc voilà. Quel album vas-tu choisir, Julien ? Alors, moi, je me suis tourné parce que déjà, pour moi, prendre le train, faire un voyage. Quand tu fais un voyage, tu prends un petit... Tu rides. Donc, comme quand tu rides, au final, il te faut une musique qui te permet de rider. Bien sûr. Et pour moi, la meilleure musique pour rider reste le mec qui a inventé... Alors, c'est pas inventé, puisqu'il s'en est servi, il en fait partie, mais... qui a inventé le terme « rider » en français. Donc, je parle de Alpha, forcément. Pour moi, chaque fois que je suis en voiture, je m'écoute toujours un petit Alpha. Tu vois, là, je suis parti en vacances pendant 3 semaines. Je me suis mis un petit Alpha. Parce que... Juste pour représenter un petit peu Alpha, qui est quand même assez peu connu pour... Alpha, c'est un des pionniers, j'ai envie de dire, de la West française. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres, il y a les Salles Blancs, il y a, enfin, il y en a plein en vrai, il y a MSJ, il y a tout Reservoir Dog, enfin il y en a plein. Franchement, je ne vais pas tous les citer. Parce que, et un petit peu la clique à Stomy Bugsy. Ouais, Papillon Bandana, machin, tout ça. Ouais. Mais eux, ils font tous partie après du CSRD, c'est Réservoir Dog et Club Spliffton. Club Spliffton, ça fait, c'est le groupe de LPHA, et Réservoir Dog, c'est plus... Il y a plein d'autres mecs, en fait. Il y a de tout, parce que dedans, il y a des gens qui... C'est un gros collectif, en fait. C'est un mouvement, presque. Ouais, c'est un mouvement ouest qui rassemble vraiment pas mal de monde, dont Tommy, qui est un pote de LPHA et tout ça. Donc, LPHA, c'est un rappeur-producteur. Il a commencé il y a un long, long, long moment. Je crois que son premier disque, si je ne me trompe pas, s'appelle Lâche cette merde, et je crois que c'était en 96. C'est un petit moment quand même qu'il rappe. Donc il s'est pas mal concentré sur la production. C'est vraiment un musicien hors pair. C'est un fils de musicien. Enfin, il a tout le temps baigné dans la musique et tout. Écoute, je sais pas s'il en vit vraiment, vraiment. Je pense qu'il fait que ça à plein temps. Mais est-ce qu'il en vit chichement ou est-ce que vraiment il en vit bien ? Ça, j'en sais rien. Après, je trouve que par contre, au niveau du talent, c'est vraiment un talent de malade parce que il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait jouer autant des instruments que d'avoir des flows incroyables, trouver des rythmiques, des mélodies, des mélodies de refrain. Et c'est un son qui est agréable à écouter. T'écoutes les paroles, c'est vraiment ça te berce, tu vois. Et quand t'es dans le train, tu peux écouter un petit peu les paroles qu'il te dit et ça te fait voyager parce que ça parle que de choses positives en fait. Alors, il avait fait un album Ride Hivernal qui était un peu moins positif. Ouais. L'hiver, voilà. Parce que lui, c'est le soleil, c'est le barbecue. Voilà. Lui, c'est juin, juillet, août, c'est barbecue, c'est la ouest. C'est descendre vers le sud. Ouais, voilà, descendre vers le sud, la route vers le sud, c'est la ouest. Hein. Il y avait un album qui était super aussi pour faire une ride, c'était Le Pèlerinage, quand il est parti sur la tombe de Izzy à Los Angeles et tout ça, qui était vraiment, vraiment intéressant. Et puis, il est hyper prolifique, il a sorti plein d'albums. Et donc l'album que tu choisis pour prendre le train, du coup. L'album que je choisis pour prendre le train, il s'appelle Waldemann Rider. Il y a eu le Val 2, parce que c'est le volume 2, Marne Rider, qui était absolument très bien aussi. Mais j'ai choisi Waldemann Rider 1 parce que c'est un de mes premiers amours. C'est cet album-là où j'ai trouvé que vraiment, à LPHA, c'était un truc de fou. Vraiment, ça m'a plus tapé à l'oreille, on va dire. Et c'est l'album qui m'a accroché pour aller finalement explorer un petit peu toute sa discographie. Donc, quand je fais une route, je me mets toujours un petit LPHA. Que ce soit en voiture ou en train. En voiture, en train, en avion, à pied, peu importe. Tant que je ride. Et un morceau que tu recommandes sur cet album ? Le morceau que j'ai choisi, c'est... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Tu l'as ? Le soleil brille. Le soleil brille, ouais. Parce qu'on finit le mois d'août et que c'est le mois de septembre qui a déjà commencé, même, j'ai envie de dire. Et qu'il reste encore un petit peu de soleil, donc tant que le soleil brille, j'écoute un petit LPHA. Tu sais que tout le monde y est pour vriller. Poulette et poulet finissent grillés. Comme dans les cours d'école pour les frères et les sœurs. Le soleil brille, oh, quand il est dans les cœurs. C'est pour la France de derrière et les voisins chiens d'à côté. Il était une fois à LPHA et je viens de compter la belle histoire de ma journée. Les chats finissent beauté. À ma droite, quelques string, pas de bling bling, pas de futuring. Que des potes qui viennent poser sur le parking. Que des caisses et des bondas qui se dandinent. On passe d'une à elle, mademoiselle, bon matin qu'on appelle. J'ai la bonne caméra, le bon casting. Sors ta poitrine comme si tu voulais passer aux abîmes. Aujourd'hui, le soleil y va, franco de bord. Barbecue Bologne, côte de bord. C'est le soleil de l'été. Le rhum est de basse terre, le son est bon, les charlots non caster. Les cuissons maxi, les jupes mini. Et mon tout bouge sur le Moog Mini. Mais ce sera sûrement la dernière charade. Comme MS, j'ai pas le temps pour des balades. Encore moins pour ton vieux rap qui sent le malade. Car y'a trop de putain de bon son à écouter. Trop de soleil à goûter. De chat mouillé à écouter. Trop de tout. Mais y'a pas le feu sous sky quand le soleil brille d'emblée. Il met une bonne vibe. Il me semblait que tu bandais sur du rap de caille. Maintenant tu suis bonhomme, je te prête mon bain des mécoms. On est quitte, sauf que moi j'ai pas changé de cap. Valdemar, Rider 9-4 depuis 9-4. Si tu connais pas, je suis pas le genre de com qui casse l'ambiance. Alors dis-toi qui t'es bon pour toi, les fat ou pas. C'est le soleil de l'été qui nous fait. Je ne vais pas me faire prier. J'ai mis un t-shirt dans mon short Dickies pour m'habiller. Le soleil brille, les barbecues grillent. Toutes les femmes sont bonnes en été. Je vais torpiller. Shit, sex and skunk, plus new lady funk. J'finis ma journée à rider accompagné et personne ne sera oublié. Excite les filles, ce temps incite les mâles. Période estivale, ambiance festival. Papillon, fais tourner la tête et la romie, le soleil brille. Chaleur étouffante au bord de la cyprine, de la piscine, l'été s'annonce bien. Entre paires là-bas, paires de fesses, paires de seins. Ta pêche, mets-toi à l'aise. Y'a du groove dans la base, du bébé-bellaise et de la presse. Comme le H.O. comme la baise. Trop de style, un joker, Dickies, Cortez, où est ma chaise? Une journée sous les flammes, le soleil crame sur Paname. Tout passe, pète la dyname. Un bon le 10 dans le poste. À la bande, à la musique, laisse-moi porter un toast. À nos vies, nos amours, à l'oseille. Juillet, août, sort les préservatifs et le ginseng. Putain de canicule. Une pensée pour nos frères en cellule. Une gorgée pour nos morts et mon cœur brûle. C'est le soleil de l'été. Alors Simon, ouais. Qu'est-ce que tu choisis comme album toi? Pour rider dans le train ou pour... Moi c'est une ride de train, mais je me suis plutôt j'ai plutôt pensé au métro en fait. Donc à quelque chose de moins léger, un peu plus. T'as pensé à une ligne de métro en particulier? Ou juste ouais. Le fait de se taper la ligne Paris, en entier. Paris, ligne 5. Non. Ah, on peut prendre une ligne à Paris, dans une grosse ville, disons. Dans une grosse ligne 4, ligne de métro, une ligne de métro pas super propre, quoi. Un truc où, ça sent pas toujours très très bon, quoi. Donc moi, en partant de ce constat, j'ai choisi l'album d'Isha, La vie augmente. Ça, oui, ouais, la vie augmente, le volume, volume 1. D'ailleurs, je te coupe, mais juste, il fallait dire que pour la vie augmente d'Isha, Jérôme en avait parlé. Vous pouvez écouter les émissions des Bons Crus. Il avait déjà passé quelques morceaux de cet album-là. C'est un artiste qu'on aime beaucoup. Isha et les Bons Crus, on aime bien. On a passé plusieurs fois même, je crois, on a passé Isha. FC Isha. Donc, je me suis dit, allez, une ligne de métro, quelque chose de pas trop long. Donc cet album-là, il fait, je crois, un peu plus de 30 minutes, donc c'est bien. Je voulais du rap français aussi, parce que j'ai tendance, avec le rap français, du coup, à rapper les paroles dans ma tête, ce qui est un petit peu moins facile à faire avec des Américains ou des Anglais. Donc quand je fais ça, le temps passe plus vite. Donc, c'est vrai. C'est un bon point. Et puis dans les transports, que le temps passe vite, c'est plutôt une bonne chose. Et pareil, je voulais pas en fait un album un peu trop... Moi, je voulais pas un album trop soft, je voulais pas trop de... Enfin, un truc facile à écouter, forcément. Un truc Je pense pas que cet album-là est difficile à écouter, mais Julien est parti sur une ride, c'est peut-être pas un train de banlieue, celui de Julien. Un voyage. Moi, c'est un train de voyage, c'est un truc où tu vois, tu sais, des décors de... Voilà, des paysages défilés. Ouais, des paysages défilés, ouais. Moi, je vois des barres d'immeubles, je vois des... J'ai bien pensé, hein, ça m'est un RER ou un métro, quoi. Donc, Isha, je pense, c'est bien, c'est pas trop lisse. C'est quelqu'un d'assez, je pense, observateur aussi de ce qui l'entoure. Et bon, dans le métro, bon, voilà, t'es assis, t'as plein de gens à côté de toi, tu peux observer ce qui se passe, c'est assez intéressant. Donc voilà, j'ai choisi l'augmentation. T'entends les battements de cœur. Y'a pas de haineux, mon équipe, que des blacks blancs beurre. Et tu le vois avec un perfecto. Mon Babtou, il a une tête d'escroc. Tu te demandes pourquoi je l'appelle négro. C'est parce qu'on a connu les mêmes blêmes pro. On a trop vu nos mères malmener la casserole. On n'épousera pas de grognasses qui font des hiking noodles avec des tartines au beurre. Je croyais qu'elle avait le feu au cul. Finalement, elle a un diable dans la chatte. Elle a une cambrure qui me préoccupe. Une âme noire et un cœur sans attache. On m'a dit, attention ce que tu dis, faut que ça gouache quand tu prends la parole. J'ai freestylé des caves de BX jusqu'au parking de France Anatole. Souvent, je te fais pleurer, ouais, ça va pas fort. Ta mère me déteste, mais ton papa m'adore. Il m'appelle mon fils quand il frappe à ma porte. Ton papa m'adore. Quelques tics de bandit. Des mimiques de voyous. Chien de la casse. Mais l'esprit est gentil. C'est comme une balle dans le cœur. Un toxico qui fume dans l'ascenseur. On te frappera la tête, tu vois pas que tu nous chauffes. On attaquera la bête la plus mince du troupeau. On sort le Chatterton, vous restez groupés. Moi je suis Jean Gabin, t'es Rita Mitsuko. T'as sniffé ta dope, t'as les narines toutes chaudes. T'as kiffé la go. Tes soldats ont quitté la zone. Mes soldats agitent les drapeaux. On fout le bazar à toute patate. Moi je suis un artiste comme Doug Saga. On fera la guerre pour avoir ce matériel. Se barrer d'ici, survoler l'espace Schengen. Calibrer, ajuster les budgets. On dit au revoir aux plus baisers du Tchèque. On partira avec les meufs les plus fraîches. On n'a jamais aimé Bruxelles. Mon style les fait saigner du zen. Ils bougent la tête comme si je les éduquais. Reste là, viens pas traîner plus près. Vrai frère, je fais la fierté du bled. Quelques tics de bandits. Des mimiques de voyous. Chien de la casse. Mais l'esprit est gentil. Quelques tics de bandits. Des mimiques de voyous. Chien de la casse. Mais l'esprit est gentil. Cette petite virgule qu'on aime bien aussi. On l'adore. Cody Mob. Ben ça rappelle, on discutait avec hors antenne avec Simon. Ça te rappelle ton ami Travis Scott ? Exactement. Alors, mais attends, il a rendu hommage. Travis Scott ? À ce sample. Il l'a samplé le morceau. Oui, je sais, il l'a samplé. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Tous les rappeurs de Houston l'ont samplé. Mais il est très bien ce morceau. Il est vraiment, vraiment bien. Mais. Comme Travis Scott l'a fait, bah, tout le monde dit Travis Scott, il a samplé le morceau, alors qu'en vrai, Travis Scott. Maintenant, il a une statue, il est tellement connu que les gens vont dire ça. Ouais. Et il est trop connu. Bah, ouais, bah, tant mieux pour lui. Hein. Moi, je souhaite. Il y a des gens qui connaissent le sample. Ouais, bah oui. Ça après... peut permettre aux gens de s'intéresser à ça. Oui, non, mais après, le sample, il défonce. Franchement, le sample, il tue. Mais moi, désolé, hein, Travis Scott, hein, tu fais un morceau rip screw et tu fais pas de morceau screw. Je te range dans ma poche. On va recentrer le débat. Et après ma poche, je te plie et je te mets dans une corbeille. C'est terminé pour moi. Désolé, mon bon. On va recentrer le débat, Julien. Donc, c'est à mon tour de choisir un album pour m'accompagner sur une ligne de train. Qu'est-ce que tu as choisi ? Eh bien, déjà, voilà, quand on parle de train, comme tu disais, c'est un voyage. Ouais, il y a un départ, il y a une arrivée. Et dans un train, c'est pas forcément agréable en fait. Ça peut être long, ça peut être longué. Moi, quand on me dit ça, de prendre le train du départ au terminus, ça me rappelle quand je prenais le train de banlieue, que c'était la mission. Je rentrais de Paris. Je prenais le train à Saint-Lazare jusqu'à Pontoise. Parce qu'il n'y avait jamais de RER. Le RER était tout le temps en travaux. Puis Pontoise, c'est loin. Et Pontoise, c'était, en plus, c'était pas à côté de chez moi exactement. Donc, il fallait que je marche derrière. Donc, voilà, pour moi, il me fallait un album qui m'aide à transformer cette mission de retour à la maison en un moment un peu introspectif où tu te mets dans ta bulle, t'écoutes la musique et tu penses à autre chose. Et tu regardes par la fenêtre du train et voilà, les décors défilent. Au départ, quand tu pars de Paris, t'as toute la banlieue industrielle, t'arrives sur les banlieues pavillonnaires. Et puis après, un petit bout de campagne quand même, parce que Cergy, c'est loin. Et t'arrives sur Pontoise, enfin voilà. Donc, voilà, et donc fallait un album pour me distraire, tuer l'ennui. Et du coup, il faut que ça raconte une histoire avec un début, une fin et un univers musical très riche. Voilà, et que ce soit suffisamment long, parce que c'est quand même une sacrée mission. Du coup, j'ai choisi un album qui s'appelle MBDTF pour les intimes. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Meilleur album qui soit au monde. Un des meilleurs pour moi. Un des chefs-d'œuvre de Yeezy, Kanye West. Ouais, je pense que c'est vraiment. Tous les morceaux sont bien. Ouais. Enfin, après, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, je pense. Ouais, hein. Vers la fin, voilà, il y a des petites choses un peu plus spé. Mais c'est vraiment un album qui s'écoute déjà du début à la fin. Tu lances play, tu zappes rien. Bah, carrément. Tu peux annoncer que le 27, je t'ai tagué dessus, le 27 septembre, nouvel album de Kanye West. Ouais. Jesus is King. Avec sa chorale ou pas? Jesus is King. Ouais, bah avec la chorale, c'est clairement dans le thème. Bah, j'en suis pas certain. Ah ouais, parce qu'il se balade toujours avec sa chorale. Ouais, mais j'en suis pas certain. En non, il cas, a fait coacher là. Ouais, mais il a fait coacher là avec sa. Sa chorale, mais peut-être moi, à mon avis. Là, il fait encore des Sunday Service. Le week-end dernier, il en a fait à Watts. Mais il en fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va faire un album de ça? Non, franchement, peut-être qu'il y aura une petite influence. Peut-être qu'il y aura... Moi, je pense que c'est un vrai album. Il va bien les utiliser en tout cas, quand même. Voilà, l'album s'appelle quand même Jesus King. Enfin, voilà, le thème est là, quoi. On est dans la continuité de la création de sa secte. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu inquiet, mais je vais l'écouter les yeux fermés comme d'hab. Parce qu'on l'aime, Kanye. Donc on voilà. Quand il avait sorti Yeezus, tout le monde disait. Moi, j'ai adoré Yeezus. Très inquiet, et puis finalement, attention, il était trop bien. Donc, Je continue donc, sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Donc, pourquoi c'est l'album parfait pour m'accompagner dans ma mission de train de nuit? Donc, il y a un début, il y a une fin. Il y a une super intro. Dark Fantasy, exceptionnel. Produit par Reza. Nicki Minaj qui parle. Nicki Minaj qui fait l'intro. Kanye qui est pas mal en rap dessus, franchement. Et puis ça raconte vraiment un truc, quoi. C'est son retour suite à comment on appelle ça. Enfin, il faisait des concerts, voilà, il était en tournée et il revient à la maison. Enfin, quand tu regardes le clip, c'est fort. Et puis moi, je suis fan de Reza aussi. Et tu sens sa patte sur la prod. Enfin voilà. Donc ça, c'est le morceau que j'ai choisi pour vous introduire cet album. C'est un véritable opéra rap, en fait. Il y a ces pianos, il y a ces trucs un peu... Il l'avait d'ailleurs fait en... Pas en opéra, mais il l'avait joué cet album avec un orchestre. Ouais, il l'avait fait en version orchestrée, ouais. Mais il l'avait déjà fait pour Late Night... enfin, comment il s'appelle? Son deuxième album, là. Late Night Registration. Ouais, Late Night Registration. Late Registration. Ouais. Donc, c'est un peu un habitué de ce... Ouais. D'orchestrer ses albums parce qu'à un moment donné ça correspondait à son son. Aujourd'hui ce serait compliqué, mais bon, à l'époque c'était vraiment ça. T'as des invités de marque qui viennent te distraire aussi parce que du coup ça rend l'album moins monotone. Ouais, mais il y a grave. Jay-Z, Pusha T, Nicki Minaj, Rick Ross, Reza, John Legend, t'as dit qui? Ah non, mais dans l'album, je parle. Ouais, dans l'album. Ouais, Rihanna. Ouais, il y a Rihanna dans All of the Lights. Ouais, effectivement, c'est pas rien, qui est un des meilleurs morceaux aussi de l'album. Bah, avec les trompettes et tout, mais il avait grave promotionné. Le clip, il était lourd et tout. Avec une très belle interlude aussi. Ouais. Et puis, t'as aussi des couplets mémorables. Bah, Monster, avec Nicki Minaj, qui les gens un couplet de folie. Pusha T sur Runaway, mais c'est pas rien. Ah, mais Runaway, c'est déjà ce morceau-là. C'est... Le piano de Runaway. Ouais, alors il pourrait avoir le même piano que David Guetta. C'est deux notes, mais par contre, qu'est-ce qui tue? Ouais, ça tue. En fait, le piano est trop bien choisi. Et la façon de le faire, en fait. Ouais, mais clairement. Et voilà, et donc cet album-là, clairement, t'arrives, t'as ton train là qui départ, qui part de Paris. T'es un peu, t'as un peu bu, t'en as marre, t'as envie d'être chez toi, tu veux être rentré. Tu t'évades avec ça. Et tu lances Play. Je suis d'accord avec toi, François, tu m'as convaincu, t'es refait. T'es refait, la Dark Fantasy, ouais. Il se lance. Et puis, l'instant d'après, tu regardes et t'es au monde. Terminus. Ouais. Et t'as pas vu le moment passer. Ouais. Et pourtant, ça a bien duré 50 minutes. Ouais. Hein. Et il te reste même des morceaux pour rentrer chez toi à pied. Parce qu'après, ouais. T'as une petite mission encore. Oui. Bah, l'été prochain, il faudra faire le même, mais si tu prends l'Orient Express. Attention, c'est pas le même. Là, il faudra choisir une dizaine d'albums, tu fais un top 10. Même plus. You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring. Twisted fiction, sick addiction. Well, gather round, children, zip it, listen. Can we get much higher? So high. Fantasize about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy will I go. That's me, the first year that I blow. How you say broke in Spanish, me no I blow. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in Serato. You ain't got no Yeezy, nigga? Stupid, but what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Oh, oh, oh. Celine Dion, sex is on fire. I'm the king of Leona Lewis, beyond the truest. Hey teacher, teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory, respark the soul and rebuild the energy. We stop the ignorance, we kill the enemy. Sorry for the night, demons are still visiting me. The plan was to drink it till the pain over, but what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down a window. Too many Urkels on your team, that's why your wind's low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, huh? And then they make noise. Can we get much higher? Uh-huh. So high. At the mall there was a seance, just kids, no parents. In the sky filled with herons, saw the devil in the Chrysler LeBaron, and the hell it would spare us, and the fires they declare us. But after that, took pills, kissed and errors, and woke up back in Paris. Can we get much higher? So high. Et on est toujours dans les bons crus Summers Camp. Ouais. Et il fait soif. Passons à la deuxième bière donc de Azimut, qui nous régale ce soir avec des bières très désaltérantes. Ouais, il y a une question que tu as pu poser à Azimut ou pas, c'est où on peut retrouver leurs bières mis à part chez eux. Ah, pas, c'est à peu près pareil que la majorité des brasseurs, chez pas mal de cavistes. Ok. Et ils sont aussi sur les VNB. Ouais, okay, dans les VNB, on leur retrouve pas mal. Mais, il pas tous les VNB. Où est-ce qu'il y a des VNB à Bordeaux? En banlieue. Enfin, moi, près de chez moi. Non, mais je parle quand en ville, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'habite en ville. En ville, il n'y a pas de VNB. Ouais. C'est pour les gens qui habitent autour. Chez des cavistes. Warf. Tu peux retrouver. Donc là, déjà, on les a servis les bières là, ça a embaumé la pièce. Ah ouais. Elle est très parfumée. Hein. Et dès qu'ils l'ont servi, je vais la refaire, mais moi j'aime pas les IPA, on en a déjà parlé de toute façon depuis le début. Alors j'ai senti, premier arôme, j'ai dit putain, mais c'est de la mangue, c'est un jus de mangue. En fait. Même la couleur. La couleur, on dirait de la mangue, et dedans tu sens que de la mangue. Alors, on va. Donc là, on a ouvert la session IPA. Même, ouais. J'ajouterais, c'est session New England IPA. Ah ouais, New England IPA. NEIPA, en fait. Ouais. N-E-I-P-A. Ouais. Alors, un peu de culture, Simon. Donc, New England IPA. Donc, en fait, New England, ils se sont dit, on va pas essayer de faire une bière. Ils n'ont pas essayé, en fait, de rendre la bière moins trouble. Ils l'ont laissé vraiment. Ils ont rien fait pour ça. Et donc, c'est pour ça que les bières New England IPA sont encore plus troubles, en fait, ouais, que des IPA. Elle n'est pas filtrée, en fait. Pas filtrée, voilà, exactement. Et donc, après, les arômes, comme on l'a dit, là, on ressent. Donc, on a dit la mangue, fruit de la passion. Ah ouais, mais grave. C'est un bonbon. Et j'ai dit. Pareil, très léger encore. Ouais. La mangue, c'est vrai que c'est incroyable. Par contre, il y a de l'amertume. Hein. Ouais, un petit peu, pas beaucoup. C'est pour ça que quand je l'ai ouvert, j'ai dit ok, c'est la meilleure IPA que j'ai jamais goûtée. C'est vrai que l'amertume est très très très bien balancée, enfin avec le reste en fait. C'est vrai que c'est équilibré pour un truc fruité, c'est pas trop sucré. Et surtout qu'elle est pas très fraîche. Ah ouais, parce que tu t'imagines frapper là. Moi j'aime pas les criques par exemple, je trouve ça trop sucré. Ouais, enfin, quand je t'en ai ramené des criques, quand on en a bu deux grandes criques quand on était. Quand je dis j'aime pas, c'est que c'est pas mes préférés. Ouais, c'est quand voilà, si je choisis. Quand on était à Radio Campus, t'étais bien content de les boire, les criques. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne refuse jamais un verre offert par un ami, bien sûr. Donc, franchement, moi je trouve ça encore une fois très désaltérant. Parfait quand il fait chaud. Très léger. Ouais. 4-5 encore. Donc, ça t'abasse pas trop. On peut en boire. Alors, on peut en boire plusieurs. Au niveau de l'étiquette, même si pas vraiment une étiquette, vu que c'est une canette, hein, comme on disait, c'est imprimé dessus. Quoique, c'est une étiquette. Si, c'est collé. Je pense qu'ils ont toutes les bières, tu sais, couleur comme ça, argentée, et puis qui collent leurs étiquettes parce que tu vois, on voit que c'est pas tout à fait droit sur la mienne. Sur la mienne, je parle. Ouais. En tout cas, elle est vraiment jolie cette canette. Ah ouais, tout mat. Ouais, tout mat quand tu la touches, c'est mat. Ça fait la différence, ça brille pas. Non, mais là, même quand tu touches, tu sens que l'étiquette elle est de qualité. Ouais. Ça fait pas cheap en fait. Ouais. On est sur un skieur, Touchous. Voilà, c'est la collection Explore. Donc comme tu nous expliquais. Exploration, donc c'est une des séries en fait. Donc là, c'est la série Montagne. Donc alors, je vais enchaîner d'ailleurs. C'est à moi de faire l'accord bière rap. Et c'est vrai que souvent, les accords bière rap, on s'est focalisé sur les arômes, sur le degré en alcool. L'étiquette, mais... L'étiquette, on a... Non, enfin, pas trop fait. Et donc ce soir, je me suis dit, on va quand même mettre un gros coup de lumière sur ces belles étiquettes, parce que c'est vrai que la première qu'on a vue, la blanche, avait une très belle étiquette. Donc Jérôme l'a dit, avec une belle carpe koi verte. Donc apparemment, ça n'existe pas. Mais, cette carpe koi était très belle. Et là, donc, on a un skieur, en fait. Vu que c'est la série montagne, ils ont fait des belles montagnes bien blanches. Avec un skieur qui porte une combinaison tout orange et qui est en train de descendre cette montagne Touchous. Donc, je pense que c'est un skieur, même, il a un casque. C'est un skieur de vitesse. Du coup, tu vas nous faire un morceau sur la cocaïne. Ça aurait pu. Mais je vais rester encore plus... Roy Enoch. On va rester encore plus terre à terre. Je vais passer un morceau qui s'appelle Neige éternelle, juste pour Voilà, mettre en avant ces très belles donc canettes, très belles étiquettes. Et d'ailleurs, là, on n'a que deux bières, hein, mais vous pouvez aller voir les autres bières de chez Azimut. Elles ont toutes un style vraiment très classe. Puis le côté mat, je trouve, de l'étiquette renforce encore plus ce truc. Donc c'est voilà, j'ai mal, choisi le morceau Neige éternelle de Tango John. Et donc, je pense aussi que le morceau... Quelques mots sur Tango John, quand même. Bon, rappeur parisien, il en a son combien de projet? Il en est à... Bah, il a sorti une mixtape. Deux mixtapes. Ouais. Et là, il est sur une série de freestyle. Mm-hmm. Je pense que... Il y a quelque chose qui va arriver. C'est un des gars prometteurs de la scène parisienne. Mm-hmm. Voilà. Après, il reste quand même dans la lignée de ce qu'ont pu faire les 1995 et l'entourage. Oui. C'est quoi? Je connaissais même pas. Tu m'as dit le nom et je me suis dit c'est un truc de scientifique. Mais bien sûr. C'est un truc que je vais pas capter. Mais je vais écouter. Sont toujours figés dans ce dôme de glace dans lequel j'ai inséré une petite boîte. J'aimerais résoudre l'énigme avant que les autres le fassent. À travers ma bulle j'observais le vice croître alors que l'obsolète qu'hier est déjà obsolète. Je traîne mon pauvre squelette fragile comme de la porcelaine. L'espoir ne fait que me décevoir, alors je préfère rester en l'air sur mon perchoir. Les tirs des pistolets et les larmes qu'il faut ruisseler me rendent aveugle à l'instar du noir d'une éclipse solaire. 0 degrés Celsius, les erreurs que j'ai faites ne s'effacent pas avec des excuses. Est-ce que le bateau m'emmène quelque part? J'aimerais connaître l'histoire avant que ma peau palisse. Vers la lumière ou bien vers le noir, toujours en quête d'espoir, j'attends l'apocalypse. Regarde en l'air, regarde la neige qui tombe sur le dôme. Quand l'hiver vient, la nature remonte sur le trône. Je fais le rêve que je vole. Pour oublier que certains des miens sont dans une merde folle. J'ai promis à ma maman que je ferais des merveilles, que je ferais mon possible pour mériter ma paire d'ailes. Qu'un jour on marcherait sur les neiges éternelles. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité. J'suis comme ce gamin qui voudrait fuir de la ronde. Je laisse passer un métro, j'suis abîmé par les aiguilles de la montre. Loin de cette épaisse fumée noire. Moi j'ai déjà vu passer une étoile. Hey, les cauchemars sont des énigmes. On comprend rien parce qu'on est débiles. J'mets un 6 coups dans le lead, ma sœur. Puis j'fais un bisou sur le dream catcher parce qu'on est béni. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Dans les détails de la mémoire où les étoiles faiblissent. Quand elle s'éteint, mais par où la lumière s'échappe d'elle. Je l'imagine s'évaporant comme dans de larges ellipses. Avant que l'onde trépasse, j'observe la fonte des glaces. Reste fidèle à des valeurs dont le monde s'écarte. Malgré l'avalanche de problèmes, je voudrais viser d'autres sphères. Si j'ai les bras ballants, je me prosterne. Même les doigts gelés, je dois avancer dans le blizzard. Lorsque la peau devient bleue, ça fait d'étranges visages. Mon subconscient est enfoui dans le dôme de glace. Protégé des autres quand les choses se passent. Tellement de mes erreurs me laissent perplexe. Je dois sortir gagnant de ce combat perpétuel. Même les choses les plus légères m'émerveillent. J'aimerais traverser le temps comme les neiges éternelles. Regarde en l'air, regarde la neige qui tombe sur le dôme. Quand l'hiver vient, la nature remonte sur le trône. Je fais le rêve que je vole. Pour oublier que certains des miens sont dans une merde folle. J'ai promis à ma maman que je ferais des merveilles, que je ferais mon possible pour mériter ma paire d'ailes. Qu'un jour on marcherait sur les neiges éternelles. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Au-dessus des neiges éternelles, cette immensité me merveille. Qu'est-ce qu'on chill avec Drake quand même? Le, Il y en a qu'un qui est pas d'accord. Le jus de fruits. Ah, ah bah c'est vrai, nickel. Ah ouais, ouais, nickel. Yeah. Ouais. Ah, il aurait pu être d'accord, bien. Il avait un morceau qui s'appelait Passion Fruit. Donc, ouais. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être l'accord. Ah, ça, voilà, ça aurait pu être un autre accord. Ah, on l'a mis, c'était le bonus. Non, j'ai voulu faire un shout-out à cette superbe étiquette. Je vais quand même rétablir la vérité. J'aime bien Drake, mais j'aime pas tout de Drake, c'est tout. C'est différent. Non, mais... Alors que vous, vous aimez tout de Drake. Mais non, on est des groupies, donc c'est, ouais, c'est affligeant, quoi. C'est affligeant. Le reconnaître, c'est déjà se faire excuser. Alors, c'est l'heure du débat. Donc aujourd'hui, on s'est intéressé. Donc on s'était déjà intéressé à nos rappeurs morts. Aujourd'hui, on s'est intéressé aux rappeurs en surpoids. On s'est demandé si les rappeurs gros étaient les plus forts. Donc à l'instar, énorme jeu de mots dans la question. De quoi ? Énorme jeu de mots dans la question déjà. Est-ce que les rappeurs gros sont les plus forts ? Oui. Jérôme Lagaffe. Mais bon, en plus c'est à moi de commencer à répondre à ce débat. Donc là tu me mets bien dans l'embarras. Mais non, on attend ta réponse, Jérôme. Alors, pour moi c'est pas forcément une question de surpoids, comme t'étais parti dessus, mais on aura chacun notre version de la réponse. Donc déjà, à partir de quand on est gros, en fait, enfin... Non, mais moi, c'est même pas ça, la question. Ah, d'accord. C'est quand on dit les rappeurs les plus gros, les plus forts, c'est, pour moi, c'est les rappeurs larger than life. Les rappeurs... Larger than life. Les rappeurs plus grands que la vie, quoi. Plus grand que nature. Je sais plus c'est quoi l'expression en français, mais je trouvais qu'en anglais, ça sonne bien larger than life. Ouais. Et donc, du coup, c'est des personnages grandiloquents avec un univers très riche qui prennent toute la place. Des rappeurs que tu vois arriver sur scène ou. Il y a une aura un peu. Ou qui crèvent l'écran quand ils sont filmés. Voilà, ils rentrent dans une pièce et voilà. Donc, pour toi, peu importe le poids, c'est juste que. Mais je suis quand même, resté sur des rappeurs avec un certain. Gabarit, quoi. En bon point. Ouais, là, les rappeurs que j'ai choisis sont quand même bien... costauds, quoi. Bien costauds. Hein, okay. Mais d'ailleurs, le premier, donc, qui pourrait bien représenter cette expression « larger than life », c'est le bon Rosé, le Rick Ross, le Boss. The Boss of Miami. C'est ça, Miami, donc rappeur qui s'est bâti un empire là-bas. Il a créé sa propre légende, album après album. Ouais, de Port of Miami. Port of Miami, c'était déjà très très lourd quand il est arrivé. C'était un truc de fou. Hein. Ouais, mais petit à petit, c'est allé de plus en plus loin. Attends, Teflon Don. Ouais, c'est incroyable. Un autre niveau. Et avant Teflon Don, il y a mon album préféré qui est Deeper Than Rap. Ouais, mais Deeper Than Rap, il est très bien aussi. Et avant Deeper Than Rap, il y a. Je sais plus, enfin. Après, il y a eu les compiles aussi de Maybach. Après, il a fait plein de les Maybach Music, aussi, hein. Les Mastermind. Moi, j'avais trouvé ça pas trop mal. Il y avait. Ce qu'il a, Rick Ross, c'est que dans ses albums, il a toujours des hits. Ouais. Tout ouais, le gros, des bangers. Et quand je dis que c'est des hits, ça veut dire que c'est le truc que tu l'entends pendant. Genre, le morceau Aston Martin Music, je l'ai entendu pendant, je sais pas, 8 mois. Sans arrêt, tout le temps. Ouais. C'est fou. Il y a ça. Et alors que lui, il a une voix qui se prête pas au hit, en fait. Ah ben moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est une voix très caverneuse. Très... Ouais, mais non, je trouve qu'il a une voix faite pour justement faire des hits. C'est le Barry White du rap. Bordel. Fallait la dire celle-là. Ouais, c'est beau. Non, mais pour moi, c'est pas. Enfin, Rick Ross. Oui, c'est vrai que du coup. La rondeur de sa voix, le côté très, très grave, fait que ça passe mieux toutes les choses qu'il peut raconter qui sont totalement inappropriées pour un tube pop. Ça, on est d'accord. Mm-hmm. Mais à côté de ça, je sais pas, il a pas non plus une voix de. C'est pas Justin Bieber, c'est pas. Enfin... Non, mais par contre, niveau rap, quand t'écoutes un rappeur, je parle vraiment pas de rappeur, pas de Justin Bieber. Hein, ouais, bien sûr. Mais je trouve que justement, il a la voix pour. C'est genre une grosse voix. Quand il arrive, il va pas par quatre chemins. Tu sens qu'il en impose, même sans le voir. Tu sais très bien qu'il pèse. Alors ça, ce serait pour le côté banger. Ok. Mais moi, finalement, ce qui m'intéresse le plus chez lui, c'est par rapport à tout le lifestyle qu'il nous vend. Le fait qu'il soit arrivé à un niveau, mais c'est le boss des boss, quoi. Il a un niveau de grandiloquence. Le mec, il est tout le temps dans les villas les plus somptueuses. On porte des bijoux. Qui fait de la musique qui te donne envie de fumer des cigares dans une Maybach. C'est son côté mafia musique. C'est la série des Maybach Music qu'il a faite. C'est une série de morceaux. Et le premier qu'il a fait, c'était sur Deeper Than Rap, justement. Et c'est le morceau d'intro. Et je pense qu'avec Dark Fantasy, Maybach Music, c'est aussi un de mes morceaux préférés d'intro d'album. Il y en a d'autres. Très important, les morceaux d'intro. Oui, bien sûr, ça donne le ton. Très important. Mais là, c'est très feutré. En même temps, c'est énorme. Lui, les bijoux qu'il y a sur sa montre, c'est pas la pureté du bijou qui compte, c'est la taille. Rick Ross, il aime bien les bijoux. Je veux dire. Un homme malin, un homme malin. Quand il fait des sons comme Santorini, très classe, c'est pas le plus beau temple de Grèce qu'il veut voir. C'est celui qui a les colonnes les plus grandes et les plus propres. Et il veut pas une ruine, lui. Ouais, il aime les choses grandes. Il veut le grandes. Truc qui a été reconstruit après. Il est rutilant. Il veut les choses rutilantes. Oui. Rick Ross, c'est Las Vegas. C'est pas. Rick Ross, c'est Las Vegas. C'est pas Carquefou. C'est pas les pyramides. Non, c'est ce qu'on a reconstruit derrière qui ressemble à des pyramides, quoi. C'est Dubaï. Enfin, voilà. Exact. Donc ça, c'est Rick Ross. Et voilà. Et ce troisième album qu'il a fait en 2009, pour moi, c'est un des meilleurs. Et puis, donc ça répond un peu au débat. Et aussi, quand il a maigri, pour des raisons de santé, il est devenu moins bon. En fait, il a écrit un livre, je ne sais pas si tu as vu passer, non. Qui est sorti là. Il a expliqué qu'il a maigri aussi, pour une vue de santé, mais qu'il a arrêté la ligne, en fait. Parce que ça lui a fait faire des trucs... Et c'est ça qui l'a fait maigrir ? Pas terrible. Le sucre, la quantité de sucre... Quand tu arrêtes de boire, 4 litres de soda par jour... Ah oui, c'est vrai que la ligne, c'est avec du Sprite. Ouais, voilà, j'ai envie de te dire que tu vas maigrir, maigre. Après il a fait du sport et tout. Il a fait complètement maigre. Mais bon. Oui, mais il y en a qui ont des bonnes morphologies. Mais Rick Ross, il avait un problème de surpoids dès le départ. Ouais. Du coup, ses tatouages ont dû prendre un coup aussi. Hein. Mais il est pas si maigre. Ouais. Il n'est pas devenu maigre, mais il a maigri. Mais il est beau. À moi. Il est magnifique. Il a sorti cet été un nouvel album, Port of Miami 2, donc un peu pour boucler la boucle. Mais alors moins bagarre que les autres et plus musical, j'ai trouvé. Ouais, plus dans ce que moi j'apprécie chez lui. Mais moi aussi j'apprécie chez Rick Ross. Hein. Cigare musique, mafia musique, enfin moi je l'appelle comme ça. On dirait il pourrait jouer un truc, c'est pour être la musique du parrain, tu sais, ça, mais parrain 2.0 là, tu sais, un peu italiano, parrain, mafieux, ghetto, tu vois. Quoi. Ouais, voilà. Exactement. Deuxième rappeur, Larger Than Life, Action Bronson. Ah, oh, bah grave. Ouais. Ce New-Yorkais. Mais grave. Donc lui, c'est un ancien chef cuisinier. Il a commencé comme ça et il est devenu rappeur. Et il voue une passion à la bouffe. Il va en mourir. Il va clairement en mourir. Aujourd'hui, les gars, Action Bronson, moi je le suis plus pour ses émissions où il parle de bouffe plutôt que son rap presque. Il y a un seul truc à Action Bronson que je reproche, c'est que, écoute, c'est des on-dit, donc j'y crois. Je sais pas, c'est qu'apparemment il vomit beaucoup et puis il peut remanger quoi. Non mais mais c'est un peu gâché la nourriture. Moi je m'attendais de cet homme là, mais non mais que cet homme là soit invincible, qu'il puisse manger 50 ribs de porc et puis enchaîner avec des beignets de crevettes frites derrière sans aucun problème. Les émissions sur Vice s'appellent From Paris with Love. Mais le mec il boit depuis 11h du matin jusqu'à 23h le soir, il boit des verres de vin, il fume des joints et il mange, mais voilà, en quantité illimitée. D'ailleurs, tu sais qu'il a fait du vin. Et en fait, il fait du vin en collaboration en Bourgogne avec un mec qui est hyper connu. Il fait du vin en biodynamie. Et j'ai eu la chance de goûter une fois une bouteille à la naturelle. Ouais, qui a été faite par monsieur Action Bronson. Oh, alors et écoute, c'était vraiment très bon. Mais bon, lui, il ne fait rien dedans, mais c'est très bien. Enfin, genre, franchement, c'est vraiment bon. Ouais, il a mis sa tête dessus. Donc, on a tout de suite parlé du personnage qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un peu ce pantin de Vice Magazine où il fait des émissions culinaires totalement déjantées, excentriques, comme on disait, où il se balade souvent en Europe, mais aussi aux États-Unis, pour goûter des mets en tout genre et enchaîner, et puis faire le Mongol. Enfin, clairement, c'est ça. Du coup, je l'oppose un peu à Rick Ross, qui est le côté classe, le côté réussite, là où lui, il va être le côté le fou, quoi, le déjanté, l'excentrique. Et donc, lui, il s'est fait connaître à New York, un peu pour avoir ravivé la flamme boom bap, avec sa voix qui rappelait au début Ghostface Killa, du Wu-Tang. En fait, c'est un mec du Queens et il a beaucoup. Il a rendu hommage à ses origines, les rappeurs du Queens. excuse my French, c'est Jérôme. Un morceau d'Axel Bronson, excuse my French. Enfin voilà. Et en 2015, il sort son premier album, Mr. Wonderful. Donc le titre est. Il était trop bien cet album. Ouais, cet album était même excellent. Moi qui suis pas fan de Boom Bap, je trouvais ça incroyable. Et il y a un morceau, Acting Crazy, avec un clip. Qui représente vraiment bien le personnage. Est-ce que c'est celui avec Chance ? Non, c'est pas celui. Non, avec le Chance, c'est Blue, c'est... Baby Blue. Mm-hmm. Et comment s'appelait son album juste après où il y a le Lim ou Harley ou à la Harley là. Mais c'est dans cet album-là. Ah, c'est dans celui-là ? Il y a Easy Rider, c'est le dernier morceau. C'est Easy Rider. Ok, d'accord. Ben attends, excuse, je n'ai pas une grande connaissance de Action Bronson. Mais Easy Rider, c'est un tube. C'est tout simplement avec la guitare. Ouais, j'avais déjà dit dans les bons crus d'ailleurs. Ouais, on avait fait Easy Rider, c'était un de mes morceaux préférés de tous les temps. Vraiment. Moi, je pourrais l'écouter 100 fois aussi, Easy Rider. Avec ce solo de guitare à la fin là, exceptionnel. Et puis Action Bronson dans le site, il joue de la guitare, il fait du playback de guitare. Il fait un solo de moto. Ça, c'est une intro parfaite, je trouve. Voilà. Par contre, Acting Crazy, on l'entend. Il rappe dessus, vraiment, c'est du rap, c'est pas que de l'entertainment. Une instru qui rappelle un peu ses débuts parce qu'il a fait beaucoup de mixtapes avec des mecs comme Static Selecta, Alchemist aussi. Il avait fait une très bonne liste. Avec Alchemist. Ouais. Même quand il fait d'ailleurs ses trucs en Europe là, de bouffe, Alchemist, il est souvent là. Mais oui, il est toujours avec ses potes. Il a une bande avec lui, enfin voilà. I got a feeling, nigga, really that my money be the root. Look up at the stars, she like, honey, where the roof? Pull up in the dogs, canaries, they go on roof. Even once had a job pouring top on a roof. That boy had it hard, no facade, it's the truth. So now when I'm a Nadja, get massage, it's the proof. Proofs in the pudding, in that bacon soda taking. Paper that I'm making, gotta taking photos naked. Listening to niggas like whistling at Wendy Williams. I flip my middle finger, I'm chilling on 20 million. The rumors turn me on, I'm masturbating at the top. These hoes so excited, so they catching every drop. I'm dodging debacles like potholes in Jamaica. We cut down the weed, bury the paper on the makers. Martin had a dream, Bob got high. I still do both, but somehow I got by. Creflo Prey, Mike Vick Pay, Bobby Brown Stray, Whitney Lost Way, Kimbo Slice on the pad when I write. That Mayweather money looking funny in the light. But who really cares, we just throw it in the air. Celebrating wealth, pouring Moet in her hair. Excuse me, her weave, the blue is a weave. Trunk full of white cars, smell like blue cheese. That boy gets salad. Beef bow movements, BM dubs on them big things, looking foolish. Shout it, sit low. Big things popping. Tip on the Glock from a trip up in Compton. Shooting at the cops. Fuck one time, I gave her to the block. I fuck one time. We boys in the hood, and nigga, your little tray. Suppress your appetite, we taking your little tray. Love my handgun, but my chopper still is shit. Banned in 1994, but I'm too legit to quit. 996 kilos was the shit, but that was better than roofing. That shit be bad for your skin. Niggas was ruthless, Lord knows that I seen. But I thought about my future in the loops I could pee in. Walked out on a gig and I turned to the streets. Kept my name low key, I ain't heard from in weeks. I came up with a strategy to come up mathematically. I did it for the city, but now everybody mad at me. Motherfuck them all, they sweat for my balls. If I drop another album, I did that for my dogs. 10 made bucks, everybody riding big. I just sit back like, look what I did. Then I bow my head and beg for forgiveness. Once I say my prayer, everybody back to business. Smoking on a blunt in my own restaurant. People looking from a distance think I'm Big Daddy Kunk. Reincarnated, spirit of a G. Beef will make you thinner, take a seat so we can eat. A Farrakhan aura, paws on the pork. You eat from the bowl while your dog need a fork.

baklava. Ain't tryna be broke. Simon. Ouais. Alors, de ton côté. Alors, de mon côté. Est-ce que les rappeurs forts. Non, les rappeurs gros sont les plus forts. Alors, le premier rappeur sur lequel je me suis penché, il représente. Enfin, il va pas répondre oui à cette question, en fait, parce que c'est Big Pun. Et Big Pun, il est mort. Pas par parce qu'il était gros, mais bon, quand même, je sais plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait un arrêt cardiaque, donc à mon avis, c'est quand même très lié. Sachant que Big Pun était vraiment, c'est même pas qu'il était gros, c'était qu'il était complètement obèse, mais vraiment à un point, ça en est même choquant presque. C'est une montagne, clairement. Et donc, Big Pun, ça s'entend même dans sa voix, même si on n'a jamais vu Big Pun, on peut deviner qu'il est gros juste en l'écoutant en fait. Parce que quand il rappe, on entend en fait, c'est comment il respire, et c'est pas la façon de respirer de quelqu'un de normal en fait. Là nous on parle à la radio, vous m'entendez pas faire alors que Big Pun on l'entend faire des espèces de, il reprend en fait sa respiration entre deux phases et on sent que c'est pas facile en fait, c'est pas facile de respirer. Donc Big Pun ne va clairement pas répondre à cette question, est-ce que les rappeurs gros sont les plus forts, parce qu'il en est mort en fait, parce qu'il était gros. Mais le deuxième rappeur, donc j'ai choisi Rick Ross aussi, ouais. Et donc Big Pun, il est mort en fait parce qu'il était, voilà, il était en surpoids, c'était trop nocif pour sa santé. Et Rick Ross, comme tu l'as dit en fait, je trouve que le fait d'être un petit peu en surpoids, ça rajoute quelque chose au personnage en fait. Ça rajoute quelque chose, une aura, un poids, disons-le, hein, sans jeu de mots, mais ça rajoute quelque chose en fait au personnage. Donc Big Pun, au final, le fait qu'il soit gros, je ne sais pas si ça l'a aidé, mais peut-être que tu le repères plus, je sais pas, dans le paysage rap en fait. Il y en a pas tant que ça. Bah il y avait Biggie en même temps un peu. Il y avait Biggie, ouais, c'est vrai. Les deux étaient de New York. Et après, en vrai, Big Pun, il a commencé à briller après Biggie. Après Biggie, exactement. Mmh. Il a comblé un vide un peu. C'est ça, un vide parce qu'il était gros, tu penses? Donc il dirait qu'il faudrait toujours qu'il y ait un rappeur gros dans le game qui soit performant. Je sais pas, mais en fait c'est un positionnement. Tu sais, les rappeurs ils sont là, ils ont leur identité. Elle dépend un peu de leur physique, disons-le, franchement. Ouais. Elle dépend aussi de leur voix, des sujets qu'ils abordent. Et c'est sûr que quand il y en a un qui part, ça laisse un créneau un peu. Ouais. Donc Big Pun, j'ai parlé de la façon dont il posait, donc on sentait. Dans sa voix encore, ça se sent pas trop. C'est plutôt la façon dont il pose. On sent peut-être qu'il est un petit peu en surpoids. Rick Ross, je trouve que sa voix correspond parfaitement au personnage. Bon, aujourd'hui, comme on l'a dit, il a maigri. Mais c'est vrai que cette voix, il fait vraiment... C'est le baron, quoi. C'est le boss de Miami. Et sa voix correspond parfaitement au personnage, en fait, à l'image qu'il veut renvoyer. Et donc, moi, ma réponse, ce serait ouais, que les rappeurs gros sont... très très chaud, je sais pas si c'est les plus forts, hein, mais les Big Pun, parce que c'est vrai que t'as parlé du fait que ça a un peu causé sa mort, mais il était quand même très chaud avec sa voix, il était quand même techniquement très bon. Ah voilà, j'ai parlé de ça, mais Big Pun, j'adore, il pose hyper bien, enfin il kick hyper bien. Je dis juste ça dans sa voix, ça s'entend, mais au final ça fait un peu son charme, et c'est comme ça aussi qu'on peut le reconnaître. Donc absolument pas. Et t'as du coup son album culte Capital Punishment. Capital Punishment. Et j'ai même choisi d'ailleurs le son qui s'appelle Twins avec son collègue Fat Joe. Ah ben. un autre rappeur en surpoids. Et donc ils faisaient la paire, hein, les deux. Ils ont fait pas mal de feats ensemble. Donc là aussi, un autre rappeur. Mais ils incarnaient quelque chose à New York de très fort. Mm-hmm. Ouais, ils avaient fait des concerts aussi dans les prisons tous les deux à New York. Il y a des images exceptionnelles de Big Pun et Fat Joe qui font des concerts à Riker Island, donc une des prisons de New York. Donc ces deux personnages hyper imposants au milieu de tous les détenus en tenue et tout, c'est assez incroyable. Donc on va écouter Twins avec donc Fat Joe. Et on va enchaîner avec Hustlin de Rick Ross. Le grand classique. Ready for war, Joe, how you wanna blow they spot? I know these dirty cops that'll get us in if we murder some wop. Hop in your Hummer, the punish is ready. Meet me and Vito's with noodles, we'll do this dude while he's slurping spaghetti. Everybody kiss the fucking floor, Joe, we crack, fuck them all. If they move, noodles, shoot that fucking whore. Dead in the middle of little, did we know that we riddled to middleman who didn't do diddly. It'll be a cold day and hell the day I'll take it now. Make no mistake, for real, I wouldn't hesitate to kill. I'm still a fat one that you love to hate. Catch you at your mother's waist, smack you then I'll you with my sculpture, yay. I rub your face off the earth and curse your family's children like Amityville and drill the nerves in your cavity filling. Insanity's building a pavilion in my civilian. It can't be the anarchy that humanity's filling. A villain without remorse who's willing to out your boss forever and take all of cheddar like child support. I support punning anything he does, anything he loves. A brother from another mother sent for the above. A dark nigga just like me, one of the best might be. Even better leaving niggas kneeling on a right knee. Spike Lee couldn't paint a better picture. You small change, I'm blowing out your brains, getting richer. Hit you with the Mac, smacking bitch, nigga, what? You getting stuck, my trigger fingers itchy, yes, the fuck. Truck jewels, cruising in the land, pumping cash rules. Last crew to want it, caught 100 trying to pass through. That's true, so who the next to get it? TS the best that did it. Get it off your chest, get admitted. And it's yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers, thriller to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock, and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. What? Bring it up, blow your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Fuck the police, I squeeze first, make him meet third. Take him feet first through the morgue, then launch him in the deep earth. The streets curse, the First Amendment's culturally biased. Supposed to supply us with bites tonight. I hold my rosary tight as I can. I'm one man against the world, just me and my girl. Black pearl, Athena, my Cena, but keeps it real, you know the deal. We steal from the rich and keep it peeping, it's no secret. Watch me and Joe go back and forth and freak. Creep with me, as I crew in my Beamer, all the kids in the ghetto call me Don Cartagena, kicking ass as I blast off heat. And you never see me talk to police. No, you should know that I really don't care. Pull you by the hair, slit your throat, and I leave you right there. So beware, it's rare that niggas want beat. Get blunt, speak, and let these motherfuckers know how we run the streets. Fuck peace, I run the streets deep with no compassion. Puerto Ricans known for slashing, catching niggas while they sleeping, no relaxing. Keep your eyes open, sharp reflexes. Three Texas in the Jeep Lexus, just in case police test us. Street professors, terror squad, ghetto scholars, full of clips marked. Inflicts the free regard when the metal hollers. Better acknowledge y'all get knocked down until I'm locked and shot down. Have the beat, couldn't make me put my clock down. We lock towns like rounds in the chamber. Boogie down major like nine. I bust mine every time. Plus I'm the crime boss of New York, where we taught to walk the walk. All my niggas carry chalk and stalk. I pray like a predator. Whoever want it, go and get it. Set it, baby, and I'ma bury ya. So remember the squad that I'm repping. I'm full of clip of my weapon and punish niggas till it's Armageddon. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Why? Bring it up on your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Why? Bring it up on your whole spot. Yeah. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm. Every day I'm. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling. Who the fuck you think you're fucking with? I'm the fucking boss. 745, white on white, that's fucking Ross. I cut them wide, I cut them long, I cut them fat. I keep them coming back, we keep them coming back. I'm in the distribution, I'm like Atlantic. I got the motherfuckers flying across the Atlantic. I know Pablo Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't petty, nigga. We buy the whole thing. See, most of my niggas really still deal cocaine. My roof back, my money ride. I'm on the pedal, show you what I'm running like. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies, serving 100 lives. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm. We never steal cars, but we deal hard. Whip it real hard, whip it real hard. I call the charge, I call the charge. Whip it real hard, whip it real hard. Ain't by no funny shit, still bitches in business. I'm on my money shit, still whipping them Benzes. Major League, who catching because I'm pitching. Jose Canseco just snitching because he finished. I feed them steroids to strengthen up all my chickens. They flying over Pacifics to be specific. Triple C's, you know it's fact. We holdin' sex, so nigga gon' rap. Yeah, run and tell him that. More cars, more hoes, more clothes, more blow. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day. It's time to spend my thrills, custom spinning wheels. I ain't drove in a week, them bitches spinning steel. Talk about me, cause these suckers scared to talk about me. Killers talking about me, it ain't no talk about me. It ain't no walking around me. See all these killers around me, lot of drug dealing around me. Going down in Dade County, don't tote no 22s. Magnum cost me 22s. Sat it on them 22s. Birds go for 22s. Lil mama super thin. She say she 22, she seen them 22. We in room 222. I touch work like I'm convertible Burt. I got distribution, so I'm converting the work. In the M.I.A.O. Them niggas rich off, yeah, yo. Steady slanging, yeah, yo. My shit been banging, yeah, yo. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm, every day I'm. Et donc c'est au tour de Julien de répondre à notre débat. Alors, les rappeurs gros, déjà, il y a un truc qui est très différent avec la France, il faut bien se dire, c'est qu'il n'y a pas de grossophobie aux États-Unis puisqu'ils sont tous gros. Donc, enfin, pas tous, non, mais c'est important beaucoup, de préciser. Ouais, il y a beaucoup de gens en surpoids, donc quand on parle de gros, c'est pas pour se foutre de la gueule ou quoi que ce soit, c'est que c'est un fait de société et qu'aux États-Unis il y a beaucoup de gens en surpoids et que si tu veux, c'est pas montré du doigt comme en France. En France, tu vois un gros comme Rick Ross marcher dans la rue qui est pas connu, tu te dis putain, c'est un truc de ouf, il est trop gros parce que t'en vois jamais. Alors qu'aux États-Unis, moi je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, t'en vois partout, à chaque coin de rue il y en a, et des Rick Ross, il y en a partout. Des gros avec des gros bling bling, des je sais pas, des quadruples ou 15 XL, même plus grand qu'eux quoi, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Et si tu veux, ces rappeurs-là, même dans leur nom, ils glorifient ce truc, en fait, tu vois. Fat Joe. Le mec, tu pourrais te dire, putain, le mec s'appelle Gros Joe, quoi. En fait, c'est juste que c'est Fat Joe parce qu'il est gros et qu'il s'en bat les couilles, parce que c'est la classe. Mais là-bas, quand t'es. Il y a plein gros de rappeurs qui ont mis Big aussi. Ouais, ouais, ben voilà ce que j'allais te dire. Mm-hmm. Big Pun, Biggie, machin, tu vois. Notorious Big. Notorious Big. C'est parce que là-bas, où. Fat machin, enfin voilà, et à l'inverse, hein, Slim Thug, tu vois, mec maigre qui était pas si slim que ça à l'époque, mais enfin ouais. Voilà, tout ça pour dire que, pour commencer par cette intro, c'est que voilà, les gros aux États-Unis ne sont pas catégorisés comme en France. Donc du coup, déjà, c'est, si tu veux, ils n'ont pas ce côté où c'est qu'ils ne vont pas être attrayants et ce culte de du corps. Bon, même si maintenant... Ça a un peu changé, je trouve, puisque du coup ils maigrissent tous. C'est que maintenant, même aux États-Unis, voilà, c'est healthy, c'est machin, ils font attention et tout ça, parce que justement, c'était trop la débandade, je pense, et qu'ils ont. Ça allait trop loin. Ouais, ça allait trop loin. Ils en ont pris conscience. Donc voilà, et puis ils sont surtout beaucoup fait montrer du doigt. Donc bon, au final, voilà, ça s'équilibre maintenant. Mais il y avait quand même cette culture, et en plus pile dans cette époque où Rick Ross il est arrivé, machin, il y avait plein de gros dans le rap et c'était pas un problème. Donc, bon. Alors du coup, les rappeurs gros, moi du coup je les ai vraiment toujours trouvés incroyables de mémoire. Je connais pas un seul rappeur gros qui est nul. Enfin, il y en a qui sont peut-être un peu moins bons maintenant qu'ils sont maigres, mais avant, quand ils étaient gros, ils ont toujours eu un moment où c'est qu'ils étaient chauds. Et puis franchement, je trouve qu'ils ont un style incroyable, ces gros rappeurs. Ils sont imposants, charismatiques. Tu prends Biggie, qu'est-ce qu'il était beau. Franchement, il était magnifique. Du coup, je me suis posé la question, lequel de ces rappeurs est mon préféré? Car il y en a une ribambelle. Franchement, il y en a tellement des rappeurs gros, tu ne peux pas les compter sur les doigts de la main. Donc, dans les derniers venus, il y en a un qui a vraiment, vraiment gagné pour moi. Il s'appelle Pee-wee Longway. Donc, en fait, c'est un mec qui a été introduit par Gucci Mane. Et En même temps que Young Thug. Un peu en même temps, ouais. Mais alors, il a enchaîné pas mal de grosses mixtapes, hein, avec des bangers et tout ça, et des albums. Mais au final, il a pas tant percé par rapport aux autres. Je trouve, par rapport aux à Amigos, tout ça, Young Thug et tout ça. Il est resté un petit peu en retrait, je trouve. Et d'ailleurs, il avait même dit qu'il avait arrêté le rap avant son dernier album. Il a dit j'arrête le rap, et finalement. Il continue. Il a rempilé. C'est qu'il doit pas si mal s'en sortir que ça. Mais bon, pour un mec que Gucci a pris sous son aile, je trouve qu'il a pas pris l'essor qu'aurait pu prendre comme Migos par exemple, quoi. Donc le morceau que j'ai choisi de ce bon Pee-wee Longway, c'est Mr. Blue Benjamin. C'était un album éponyme, hein, Mr. Blue Benjamin, qui est sorti en 2016. Donc c'est un album, lui il fait clairement de la trap, on va dire, hein. Ouais, c'est la pure trap, c'est la pure trap musique, et il est vraiment en fait il est petit, il est tout petit, il a des yeux globuleux et il est gros, en fait. Mais il a un gros ventre, il rappelle un certain Atlanta, il rappelle un certain ce qu'on écoutait tout à l'heure, la virgule de Goody Mob. Ouais, bah oui. Il fait penser à mais grave. Silo Green. Mais grave, mais totalement. C'est le même genre de profil. Ah bah ils ont la même gueule, c'est exactement les mêmes. C'est des cousins. C'est des cousins. Mais après, et les deux sont... Après, le, ils, sont... La... ils sont bons, quoi. Ouais, ils sont bons. La différence avec... là où il est encore meilleur, je trouve, Pee-wee Longway, c'est dans le style. Il est gros, sapé comme s'il était maigre. Et ça, c'est une prouesse. Il était très pote avec... Young Thug, et j'allais dire Slim Thug, c'est marrant. Non, il était très pote avec Young Thug et il s'habillait pareil les deux, alors qu'ils sont pas du tout le même physique. Enfin, mais c'est l'inverse. D'habitude, tu vois, les gros, ils mettent des gros baggy et tout, mais lui, non, il met que des choses serrées, des Versace. Des Slim et, Versace, exactement. Et des trucs bariolés affreux, mais qui coûtent une fortune, je suppose. Enfin, je vous laisserai aller voir les clips de Pee-wee Longway pour vous rendre compte un petit peu de son style. Et le second, bah, je vais devoir choisir mon cœur, hein. J'ai découvert ce rappeur en fait en allant de nom en nom, comme on a tous passé des heures sombres sur YouTube en cliquant sur un « Ah mais je connais pas ça !» Et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques. Et je suis tombé sur un morceau de Beat King, un rappeur de Houston. En fait, il est gros, mais lui depuis toujours. Parce qu'il y a des photos de lui quand il était petit, il était déjà gros. Donc c'est un rappeur gros depuis tout le temps, qui n'est pas devenu ou qui n'est pas... Mais bon, il faut en profiter qu'il est très gros, qu'il est gros pour l'instant, parce qu'il va peut-être pas le rester longtemps. En fait, il s'est mis au sport depuis peu, donc bon. Ça veut dire qu'il va devenir moins bon ou pas ? Mais non, il est déjà bon maintenant. Donc peut-être... Ça veut dire qu'il va devenir moins bon peut-être ? Je ne sais pas, mais je te dis juste que mon seul espoir, c'est qu'il ne devienne pas maigre, puisque ça peut justement nuire à son style, on va dire. Mais je pense que c'est voué à l'échec, vu le nombre d'ailes de poulet frit qu'il ingurgite chaque soir au strip club avec dessus du sirop d'érable et tout ça. Quoi. Ah là là. Disons juste qu'il va... C'est un vrai mec du Sud. Ouais, il va juste pas grossir, mais il va se maintenir gros. Donc au final, se dire qu'il va pouvoir durer longtemps, puisqu'il va faire un peu de sport quand même et tout ça. Et voilà, enfin bref, je vous invite à aller voir, c'est un personnage, j'en avais déjà parlé dans Les Bons Crus sur Radio Campus, j'avais même parlé pas mal de lui. Sur son dernier album. De son dernier album, ouais, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai choisi un morceau qu'il avait sorti comme ça, c'était un featuring avec un autre rappeur que j'aimais bien, Lil Flip, qui est du coup un rappeur qui était au départ maigre et qui est devenu gros maintenant. Donc, s'il a fait le chemin inverse. Ouais. Voilà. Et il n'est pas aussi bon qu'avant. Mais... Non, pas aussi bon qu'avant, mais bien plus gros. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on watching. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on thotties. Mr. Blue Benjamin. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on watching. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at shit, profit, I fuck up on Mr. Blue Benjamin, two-faced the bill. Sky do a little roller, they blue-faced the hill. Searching for the narsh, you can pull up on the hill. House full of vultures and they clutching on the steel. Mars chasing me, felt like I'm Brandon and them. I'm down with Blue M and they'll call me Mr. Blue Benjamin. Blue Molly Dynamite, where they boot in the trenches. Fuck 12, bust a whole pint on their feet. North Atlanta gon' have me right there with me. Mr. Blue Benjamin, now I'm on the streets. All of my bitches freaking my money neat. Bitch, that ain't no secret. She yeah, man, I might geek, though, bitch, I might be. Do the right thing like Spike. Do by my dealer, got tigers on both feet. Street nigga, that the way that bitch say that she noticed me. Long way, bitch. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on watching. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on thotties. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin, tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on watches. Mr. Blue Benjamin, tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on thighs. Tip back a gas, I go big on the thigh. Presidential Ultra Peter, tip back on the yacht. Just got my front pocket, slap it, tap it, knocks. Mr. Blue Benjamin, when you come to cash out. Valentina Alligator, stepping on the crocodile. Grabbing on my dick when I'm dabbing it. Tip back on the thigh, yeah, I'm having it. Real street nigga still trapping out the cabin. Street shit, break it down, digital scale, and then we back it up. Broad adventure, stepping on bitches, they gon' eat it up. Hopping out the Mr. Billy Taylor for my feet up. Testing that producers in a 2 liter. Valentino sneaker, they sherbet gel on my reefer. I got them bitches that set it all like cooler teeth. Mr. Blue Benjamin in the kitchen with fajitas. I broke out the damn bitch, coming sharper than a needle. Long way, bitch. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on watching. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, that more profit. I fuck up on thotties. CJ gon' eat it up. Valentino sneaker, I'm in fatigue. 4 gram blunts of the California weed. She can just see the street nigga in me. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on watches. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on thighs. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on watches. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on thighs. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on watches. Mr. Blue Benjamin. Tip back a gay at that shit, never profit. I fuck up on thighs. Hey, who got a lighter? Yeah. Shit. Hold up. Big King, Big King. White cup. Lil Flip, what it do, fool? What up, Big King? Hold up. Let's get it. Yeah, yeah. Hold up, bitch. Club garden, Lil Flip. Yeah. Pull up in a foreign nine, leaving with your bitch. Yeah. Throw that money up, make your baby mama strip. Yeah. Never falling off, bitch. I make my paper flip. Yeah. Paper flip. Yeah. I make my paper flip. Yeah. paper flip, yeah, I make my paper flip, yeah. Got your bitch bopping off the diamonds in my wrist, yeah. Never falling off, bitch, I make my paper flip, yeah. Paper flip, I can take a trip and cash out. Them hollow tips to blow your motherfucking ass out. I'm never broke again, I'm on my young nigga shit. I'm in the strip club, but I ain't come to watch a kid. I just came here for the food. I yoga flame them with my tool. We got Alfredo plates, baby, tell me how it tastes. I got 25 lighters on my dresser. Tonight I'm drinking rosé with the nectar. This Rolex, this gold neck, this cookie dough and this shine paper. I know what year it is, but I'm still spending 99 paper. Now pop it for PM, now pop it for flip. Secure the bag like Khaled and then I hopped in the whips. Hold up, bitch, club, got a little flip, yeah. Pull up in a foreign, now I'm leaving with your bitch, yeah. Throw that money up, make your baby mama strip, yeah. Never falling off, bitch, I make my paper flip, yeah. Paper flip, yeah, I make my paper flip, yeah. Paper flip, yeah, I make my paper flip, yeah. Got your bitch bopping off the diamonds in my wrist, yeah. Never falling off, bitch, I make my paper flip, yeah. Do it look like I'm stressed? Do it look like I'm tricking? My iPhone filled up with bars, do it look like a prison? Do it look like I'm bowling? Do my cup look empty? I'm a strip club veteran, yo, double D's won't tempt me. I'm strapped up when I'm mobbing with a muddy cup like a hog pen. I'm wild as hell like the Joker, this ain't poker, but fuck it, I'm all in. I got racks on me, I throw fives, they go live, we camcord. I got max on me, they blow five, we go ride, attack, boy. This H-Town, we screwed up, them tops drop, them hoes by. I blow pounds, it go down, I don't drink crown, but I'm up top. Four wax pins, two black friends, they patched in with Chapo. I might pull up in a black rose with some bad hoes, we in the back door. Let's get hold it up, bitch, club, got a little flip, yeah. Pull up in a foreign, now I'm leaving with your bitch, yeah. Throw that money up, make your baby mama strip, yeah. Never falling off, bitch, I make my paper flip, yeah. Paper flip, yeah, I make my paper flip, yeah. Paper flip, yeah, I make my paper flip, yeah. Got your bitch bopping off the diamonds in my wrist, yeah. Never falling off, bitch, I make my paper flip, yeah. C'est la fin. C'est déjà la fin. Voilà, on aura fait 4 épisodes, 4 brasseries qu'on remercie toutes. Donc on va les rappeler. Peut-être. Chaleureusement, ouais. Alors on a, là, on vient de. Alors aujourd'hui, c'était Azimut. Ouais. Après, on présenté l'effet papillon, Bordeaux Beer Factory. Exact. Et la première, Madoc. Madoc, voilà. Donc un grand merci à eux tous. Oui, ils ont vraiment, vraiment assuré. Ils nous ont tous accueillis chaleureusement et ils nous ont fait passer leur passion. On a senti qu'ils clairement, étaient ouais. tous absolument qu'ils étaient impliqués dans le fait de faire de la bonne bière artisanale et puis de donner du plaisir aux gens qui viennent les goûter. Ouais, et c'est ça le plus important au final, c'était de découvrir des gens, d'écouter leurs histoires et puis de sentir leur amour pour la bière. Et voilà, dans de l'artisanat, ouais. même si certains sont en train de passer le cap un peu de l'artisanat et d'aller produire plus, mais la passion est toujours là, exactement. Ouais. Si la passion est toujours au centre, qu'ils produisent. Mais on a vu que des passionnés. Clairement, on a vu que des passionnés, et je pense que bon, bah, on n'a pas pu explorer évidemment tous les brasseurs bordelais. Mais on n'a pas pu faire Heineken par exemple. Passionné là. mais les brasseurs locaux, en même temps, il en faut de la passion hein, pour se lancer, pour. Voilà, pour faire vivre le truc. Mais bon, un grand merci à eux, du coup. Des très bonnes bières, hein, on peut le redire, mais on n'a bu que des bonnes bières. Et on remercie Ola Radio de nous avoir accueillis grave. Cet été. Merci c'était, beaucoup pour... C'était génial. De ouais. nous avoir laissé... installer notre camp. L'opportunité de... Exactement. Bah ouais. Et pour nos auditeurs, bah, on vous dit à bientôt sur Radio Campus. On se retrouve pour la saison. Voilà. Tous les jeudis. 20h-21h, voilà. C'est classique. Ça, donc Radio Campus ou bien notre podcast évidemment sur le Mixcloud. Les bons crus. Voilà. Allez, ciao. Yeah. J'ai soif, passe-moi la canette. Je suis en direct sur les bons crus, t'inquiète. Summer camp, le soleil sur la glacière. lâche une chronique sur le son et une petite bière.